La cité de Dieu de Saint Augustin. Livre, 22e, Bonheur des saints. Tome 4e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cessé. Chapitre 17. Si les femmes, en ressuscitant, garderont leur sexe. De ces paroles, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'état d'homme parfait, à la mesure de la plénitude de l'âge de Jésus-Christ, et de celle-ci, rendue conforme à l'image du Fils de Dieu, quelques-uns l'ont conclu, c'était le sentiment d'Origène, comme nous l'apprend Saint Jérôme dans sa lettre à Pamacius et à Océanus, que les femmes ne ressusciteront point dans leur sexe, mais dans celui de l'homme, parce que Dieu a formé l'homme seul du limon de la terre, et qu'il a tiré la femme de l'homme. Pour moi, j'estime plus raisonnable de croire à la résurrection de l'un et de l'autre sexe, car il n'y aura plus alors cette convoitise qui nous cause aujourd'hui de la confusion. Aussi bien, avant le péché, l'homme et la femme étaient nus, et ils n'en rougissaient pas. Le vice sera donc retranché de nos corps, mais leur nature subsistera. Or, le sexe de la femme n'est point en elle un vice, c'est sa nature. D'ailleurs, il n'y aura plus alors ni commerce charnel ni enfantement, et la femme sera ornée d'une beauté nouvelle qui n'allumera pas la convoitise désormais disparue, mais qui glorifiera la sagesse et la bonté de Dieu, qui a fait ce qui n'était pas, et délivré de la corruption ce qu'il a fait. Il fallait, au commencement du genre humain, qu'une côte fût tirée du flanc de l'homme endormi pour en faire une femme, car c'est là un symbole prophétique de Jésus-Christ et de son Église. Ce sommeil d'Adam, Genèse 2, 21, était la mort du Sauveur, dont le côté fut percé d'une lance sur la croix, après qu'il rendu l'esprit, il en sortit du sang et de l'eau, Jean 19, 34, lesquels figurent les sacrements, sur lesquels l'Église est édifiée. Aussi l'Écriture s'est-elle servie de ce mot, car elle ne dit pas que Dieu forma ou façonna la côte du premier homme, mais, qu'il l'édifia en femme, Genèse 2, 22. D'où vient que l'apôtre appelle l'Église l'édifice du corps de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 13. La femme est donc la créature de Dieu aussi bien que l'homme, mais elle a été faite de l'homme, pour consacrer l'unité, et elle en a été faite de cette même manière pour figurer Jésus-Christ et l'Église. Celui qui a créé l'un et l'autre sexe les rétablira tous deux. Aussi Jésus-Christ lui-même, quand les Sadducéens, qu'il n'y ait la résurrection, lui demandèrent auquel des sept frères appartiendrait la femme qui les avait tous eus pour mari l'un après l'autre, chacun voulant, selon le précepte de la loi, perpétuer la postérité de son frère. « Vous vous trompez, leur dit-il, faute de connaître les Écritures et le pouvoir de Dieu. » Matthieu 22, 29. Et loin de dire comme c'était le moment, « Que me demandez-vous ? Celle dont vous me parlez ne sera plus une femme, mais un homme. » Il ajouta, « Car à la résurrection on ne se mariera point et on n'épousera point, mais tous seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Matthieu 22, 30. Ils seront en effet égaux aux anges pour l'immortalité et la béatitude, mais non quant au corps, ni quant à la résurrection, dont les anges n'ont pas eu besoin, parce qu'ils n'ont pas pu mourir. Notre Seigneur a donc dit qu'il n'y aura point de noces à la résurrection, mais non pas qu'il n'y aura point de femmes, et il l'a dit en une occasion où la réponse naturelle était « Il n'y aura point de femmes, s'il avait prévu qu'il ne devait point y en avoir. » Bien plus, il a déclaré que la différence des sexes subsisterait, en disant, « On ne s'y mariera point, ce qui regarde les femmes, et, On n'y épousera point ce qui regarde les hommes. Aussi celles qui se marient ici-bas, comme ceux qui y épousent, seront à la résurrection, mais ils n'y feront point de telles alliances. Chapitre 18. De l'homme parfait, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et de son corps, c'est-à-dire de l'Église, qui en est la plénitude. Pour comprendre ce que dit l'apôtre, que nous parviendrons tous à l'état d'homme parfait, il faut examiner avec attention toute la suite de sa pensée. Il s'exprime ainsi, « Celui qui est descendu est celui-là même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de consommer toutes choses. Lui-même en a établi quelques-uns apôtres, d'autres prophètes, ceux-ci évangélistes, ceux-là pasteurs et docteurs, pour la consommation des saints, l'œuvre du ministère et l'édifice du corps de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité d'une même foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait et à la mesure de la plénitude de l'âge de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus comme des enfants, nous laissant aller à tout vent de doctrine et aux illusions des hommes fourbes qui veulent nous engager dans l'erreur, mais que, pratiquant la vérité par la charité, nous croissions en toutes choses dans Jésus-Christ, qui est la tête d'où tout le corps bien lié et bien disposé reçoit, selon la mesure et la force de chaque partie, le développement nécessaire pour s'édifier soi-même dans la charité. Éphésiens 4, 10 à 16. Voilà quel est l'homme parfait. La tête d'abord, puis le corps composé de tous les membres, qui recevront la dernière perfection en leur temps. Chaque jour cependant, de nouveaux éléments se joignent à ce corps, tandis que s'édifie l'Église à qui l'on dit, « Vous êtes le corps de Jésus-Christ et ses membres. » 1 Corinthiens 12, 27. Et ailleurs, « Pour son corps qui est l'Église. » Colossiens 1, 24. Et encore, « Nous ne sommes tous ensemble qu'un seul pain et qu'un seul corps. » 1 Corinthiens 10, 17. C'est de l'édifice de ce corps qu'il est dit ici, pour la consommation des saints, pour l'œuvre du ministère et l'édifice du corps de Jésus-Christ. Puis l'apôtre ajoute ce passage dont il est question, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité d'une même foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait et à la mesure de la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. Et le reste, montrant enfin de quel corps on doit entendre cette mesure par ses paroles, afin que nous croissions en toutes choses dans Jésus-Christ, qui est la tête d'où tout le corps bien lié et bien disposé reçoit, selon la mesure et la force de chaque partie, le développement qui lui convient. Comme il y a une mesure de chaque partie, il y en a aussi une de tout le corps, composée de toutes ses parties, et c'est la mesure de la plénitude dont il est dit, à la mesure de la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. L'apôtre fait encore mention de cette plénitude, lorsque, parlant de Jésus-Christ, il dit, « Il l'a établi pour être le chef de toute l'Église, qui est son corps et sa plénitude, lui qui consomme tout en tous. » Éphésiens 1, 22-23. Mais, lors même qu'il faudrait entendre le passage dont il s'agit de la résurrection, qui nous empêcherait d'appliquer aussi à la femme ce qu'il dit de l'homme, en prenant l'homme pour tous les deux, comme dans ce verset du psaume. « Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur » Psaume 111, 1. Car assurément les femmes qui craignent le Seigneur sont comprises dans la pensée du psalmiste. Chapitre 19. Tous les défauts corporels, qui, pendant cette vie, sont contraires à la beauté de l'homme, disparaîtront à la résurrection, la substance naturelle du corps terrestre devant seule subsister, mais avec d'autres proportions d'une justesse accomplie. Est-il besoin de répondre maintenant aux objections tirées des onglets des cheveux? Si l'on a bien compris une fois qu'il ne périra rien de notre corps, afin qu'il n'ait rien de difforme, on comprendra aussi aisément que ce qui ferait une monstrueuse énormité sera distribué dans toute la masse du corps, et non pas accumulé à une place où la proportion des membres en serait altérée. Si, après avoir fait un vase d'argile, on le voulait défaire pour en recomposer un vase nouveau, il ne serait pas nécessaire que cette portion de terre qui formait l'anse ou le fond dans le premier vase, les forma aussi dans le second. Il suffirait que toute l'argile y fût employée. Si donc les ongles et les cheveux, tant de fois coupés, ne peuvent revenir à leur place qu'en produisant une difformité, ils n'y reviendront pas. Cependant ils ne seront pas anéantis, parce qu'ils seront changés en la même chair à laquelle ils appartenaient, afin d'y occuper une place où ils ne troublent pas l'économie générale des parties. Je ne dissimule pas, au surplus, que cette parole du Seigneur, « Pas un cheveu de votre tête ne périra », ne paraisse s'appliquer plutôt au nombre des cheveux qu'à leur longueur. C'est dans ce sens qu'il a dit aussi, « Tous les cheveux de votre tête sont comptés », Luc 12, 7. Je ne crois donc pas que rien doive périr de notre corps de tout ce qui lui était naturel. Je veux seulement montrer que tout ce qui en lui était défectueux, et servait à faire voir la misère de sa condition, sera rendu à sa substance transfigurée, le fond de l'être restant tout entier, tandis que la difformité seule périra. Si un artisan ordinaire, qui a mal fait une statue, peut la refondre si bien qu'il en conserve toutes les parties, sans y laisser néanmoins ce qu'elle avait de difforme, que ne faut-il pas attendre, je le demande, du suprême artisan? Ne pourra-t-il ôter et retrancher au corps des hommes toutes les difformités naturelles ou monstrueuses, qui sont une condition de cette vie misérable, mais qui ne peuvent convenir à la félicité future des saints? Comme ces accroissements naturels sans doute, mais cependant disgracieux, de notre corps, sans rien enlever pour cela de sa substance? Il ne faut point dès lors que ceux qui ont trop ou trop peu d'embonpoint appréhendent d'être au séjour céleste ce qu'ils ne voudraient pas être, même ici-bas. Toute la beauté du corps consiste, en effet, en une certaine proportion de ses parties, couvert d'un coloris agréable. Or, quand cette proportion manque, ce qui choque la vue, c'est qu'il y a quelque chose qui fait défaut, ou quelque chose d'excessif. Ainsi donc, cette difformité qui résulte de la disproportion des parties du corps disparaîtra, lorsque le Créateur, par des moyens connus de lui, suppléera à ce qui manque ou ôtera le superflu. Et quant à la couleur des chairs, combien ne sera-t-elle pas vive et éclatante en ce séjour où les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, Matthieu 13, 43. Il faut croire que Jésus-Christ déroba cet éclat aux yeux de ses disciples, quand il parut devant eux après sa résurrection, car ils n'auraient pu le soutenir. Et cependant ils avaient besoin de regarder leur maître pour le reconnaître. C'est pour cette raison qu'il leur fit toucher ses cicatrices, qu'il but et mangea avec eux, non par nécessité, mais par puissance. Quand on ne voit pas un objet présent, tout en voyant d'autres objets également présents, comme il arriva aux disciples qui ne virent pas alors l'éclat du visage de Jésus-Christ, quoique présent, et qui pourtant voyait d'autres choses. Les Grecs appellent cet état aorasia, mot que les Latins ont traduit dans la Genèse par caecitas, faute d'un autre équivalent. C'est l'aveuglement dont les sodomites furent frappés, lorsqu'ils cherchaient la porte de l'hôte sans pouvoir la trouver. En effet, Si c'eût été chez eux une véritable cécité, comme celle qui empêche de rien voir, ils n'auraient point cherché la porte pour entrer, mais des guides pour les ramener. Voir question sur l'Heptateuque livre 1er, question 42 sur la Genèse. Or, je ne sais comment, l'affection que nous avons pour les bienheureux martyrs nous fait désirer de voir dans le ciel les cicatrices des plaies qu'ils ont reçues pour le nom de Jésus-Christ, et peut-être les verrons-nous. Ce ne sera pas une difformité dans leur corps, mais une marque d'honneur, qui donnera de l'éclat, non point à leur corps, mais à leur gloire. Il ne faut pas croire toutefois que les membres qu'on leur aura coupés leur manqueront à la résurrection, eux à qui il a été dit « Pas un cheveu de votre tête ne périra ». Mais, s'il est à propos qu'on voit, dans le siècle nouveau, ces marques glorieuses de leurs martyrs gravées jusque dans leur chair immortelle, on doit penser que les endroits où ils auront été blessés ou mutilés conserveront seulement une cicatrice, en sorte qu'ils ne laisseront pas de recouvrer les membres qu'ils avaient perdus. La foi nous assure, il est vrai, que dans l'autre vie aucun des défauts de notre corps ne paraîtra plus, mais ces marques de vertu ne peuvent être considérées comme des défauts. Voir Saint Jean Chrysostome, première homélie sur les Maccabées numéro 1, et traité sur l'évangile de Saint Luc, par Saint Ambroise de Milan, livre 10. Chapitre 20. Au jour de la résurrection, la substance de notre corps, de quelque manière qu'elle ait été dissipée, sera réunie intégralement. Loin de nous la crainte que la toute-puissance du Créateur ne puisse rappeler, pour ressusciter les corps, toutes les parties qui ont été dévorées par les bêtes, ou consumées par le feu, ou changées en poussière, ou dissipées dans l'air. Loin de nous la pensée que rien soit tellement caché dans le sein de la nature, qu'il puisse se dérober à la connaissance ou au pouvoir du Créateur. Cicéron, dont l'autorité est si grande pour nos adversaires, voulant définir Dieu autant qu'il en est capable, c'est, dit-il, un esprit libre et indépendant, dégagé de toute composition mortelle, qui connaît et meut toutes choses, et qui a lui-même un mouvement éternel, Tusculane, livre 1er, chapitre 27, Cicéron s'inspire ici des plus grands philosophes. Note. La définition de Cicéron peut, en effet, s'appliquer à merveille aux dieux d'Anaxagore et de Platon, et même aux dieux d'Aristote, pourvu qu'on entende par le mouvement éternel qu'elle attribue au moteur suprême, non pas un mouvement sensible et matériel, mais l'invisible mouvement de la pensée éternelle se repliant éternellement sur elle-même pour contempler sa propre essence. Fin de la note. Eh bien, pour parler selon leurs sentiments, peut-il y avoir une chose qui reste inconnue à celui qui connaît tout, ou qui se dérobe pour jamais à celui qui meut tout? Ceci me conduit à répondre à cette question qui paraît plus difficile que toutes les autres. À qui, lors de la résurrection, appartiendra la chair d'un homme mort, devenue celle d'un homme vivant? Supposez, en effet, qu'un malheureux, pressé par la faim, mange de la chair d'un homme mort, et c'est là une extrémité que nous rencontrons quelquefois dans l'histoire et dans nos misérables temps, allusion à la famine de Rome en 409, fournissent aussi plus d'un exemple, peut-on soutenir avec quelque raison que toute cette substance ait disparu par les sécrétions et qu'il ne s'en soit assimilé aucune partie à la chair de celui qui s'en est nourri, alors que l'embonpoint qui l'a recouvré montre assez quelle ruine il a réparé par ce triste secours? Mais j'ai déjà indiqué plus haut le moyen de résoudre cette difficulté, car toutes les chairs que la faim a consommées se sont évaporées dans l'air, et nous avons reconnu que la toute-puissance de Dieu peut rappeler tout ce qui s'y est évanoui. Cette chair mangée sera donc rendue à celui en qui elle a d'abord commencé d'être une chair humaine, puisque l'autre ne l'a que d'emprunt, et c'est comme un argent prêté qu'il doit rendre. La sienne, que la faim avait amaigrie, lui sera rendue par celui qui peut rappeler à son gré tout ce qui a disparu, et alors même qu'elle serait tout à fait anéantie et qu'il n'en serait rien resté dans les plus secrets replis de la nature, le Dieu Tout-Puissant saurait bien y suppléer par quelque moyen. La vérité ayant déclaré que, pas un cheveu de votre tête ne périra, il serait absurde de penser qu'un cheveu ne puisse se perdre, et que tant de chair dévorée ou consumée par la faim puisse périr. De toutes ces questions que nous avons traitées et examinées selon notre faible pouvoir, il résulte que les corps auront, à la résurrection, la même taille qu'ils avaient dans leur jeunesse, avec la beauté et la proportion de tous leurs membres. Il est assez vraisemblable que, pour garder cette proportion, Dieu distribuera dans toute la masse du corps ce qui, placé en un seul endroit, serait disgracieux, et qu'ainsi il pourra même ajouter quelque chose à notre stature. Que si l'on prétend que chacun ressuscitera dans la même stature qu'il avait à la mort, à la bonne heure, pourvu qu'on bannisse toute difformité, toute faiblesse, toute pesanteur, toute corruption, et enfin tout autre défaut contraire à la beauté de ce royaume, où les enfants de la résurrection et de la promesse seront égaux aux anges de Dieu, sinon pour le corps et pour l'âge, au moins pour la félicité. Chapitre 21. Du corps spirituel en qui sera renouvelée et transformée la chair des bienheureux. Tout ce qui s'est perdu des corps vivants ou des cadavres après la mort sera dès lors rétabli avec ce qui est demeuré dans les tombeaux, et ressuscitera en un corps nouveau et spirituel, revêtu d'incorruptibilité et d'immortalité. Mais alors même que, par quelque fâcheux accident ou par la cruauté de mains ennemies, un corps humain serait entièrement réduit en poudre, et que, dissipé en air et en eau, il ne se trouverait pour ainsi dire nulle part, il ne pourra néanmoins être soustrait à la toute-puissance du Créateur, et pas un cheveu de sa tête ne périra. La chair devenue spirituelle sera donc soumise à l'esprit, mais ce sera une chair néanmoins, et non un esprit, tout comme quand l'esprit devenu charnel a été soumis à la chair, il reste un esprit, et non pas une chair. Nous avons donc de cela ici-bas une expérience qui est un effet de la peine du péché. En effet, cela n'était pas charnel selon la chair, mais selon l'esprit, à qui l'apôtre disait « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des personnes qui sont encore charnelles. » 1 Corinthiens 3:1. Et l'homme spirituel, en cette mortelle vie, ne laisse pas d'être encore charnel selon le corps, et de voir en ses membres une loi qui résiste à la loi de son esprit. Mais il sera spirituel, même selon le corps, lorsque la chair sera ressuscitée et que cette parole de saint Paul se trouvera accomplie. Le corps est semé animal, et il ressuscitera spirituel. Romains 7:23. Or, quelles seront les perfections de ce corps spirituel? Comme nous n'en avons pas encore l'expérience, j'aurais peur qu'il n'y eût de la témérité à en parler. Toutefois, puisqu'il y va de la gloire de Dieu de ne pas cacher la joie qu'allume en nous l'espérance, et que le psalmiste, dans les plus violents transports d'un saint et ardent amour, s'écrie « Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre maison. » Psaume 25, 8. Tâchons, avec son aide, de conjecturer, par les grâces qu'il fait aux bons et aux méchants en cette vie de misère, combien doit être grande celle dont nous ne pouvons parler dignement, faute de l'avoir éprouvée. Je laisse à part ce temps où Dieu créa l'homme droit. Je laisse à part la vie bienheureuse de ce couple fortuné dans les délices du paradis terrestre, puisqu'elle fut si courte que leurs enfants n'eurent pas le bonheur de la goûter. Je ne parle que de cette condition misérable que nous connaissons, en laquelle nous sommes, qui est exposée à une infinité de tentations, ou, pour mieux dire, qui n'est qu'une tentation continuelle, quelque progrès que nous fassions dans la vertu. Eh bien, qui pourrait compter encore tous les témoignages que Dieu y donne aux hommes de sa bonté? Markendanarchive.org 2019, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.